Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. Sexe, meurtre et corruption. L'affiche est aussi sensationnelle que scandaleuse. Mais son cadre n'est pas ordinaire. La République populaire de Chine, qui jusque-là ne nous avait guère habitués à mettre à la une ce genre de turpitude. Il s'agit pourtant d'une affaire très grave qui secoue les plus hautes instances du Parti communiste chinois. Au centre, il y a un personnage flamboyant. Bo Xilai, promis aux plus hautes destinées et qui a édifié sa réputation dans la lutte impitoyable qu'il a menée contre la corruption dans la plus grande agglomération du pays, Chongqing, une ville monstrueuse de 30 millions d'habitants, un véritable état dans l'état situé à 2000 kilomètres de Pékin. Mais l'incorruptible n'était-il pas lui-même un mafieux ? Et n'a-t-il pas amassé une considérable fortune en usant des moyens les plus contestables ? Et son épouse, la belle avocate Gu Kailai, n'a-t-elle pas commandité l'assassinat d'un citoyen britannique qui, après avoir été son amant et associé, menaçait de révéler quelques dossiers embarrassants pour le couple ? Et enfin, que penser de la défection du policier Wang Lijun, héros de la lutte contre le crime organisé, qui a soudain choisi de trahir son patron, Bo Xilai, et donc de précipiter sa chute. Monsieur X essaie de débrouiller cette mystérieuse affaire. Rien n'est plus opaque que le pouvoir chinois. Vous vous souvenez, autrefois, pour saisir ce qui se passait au sommet à Moscou, on faisait appel à des criminologues qui tentaient tant bien que mal de décrypter les signaux émis par les vieillards soviétiques. Eh bien, je crois que, pour comprendre la réalité du pouvoir à Pékin, il faudrait faire appel à ce genre de spécialistes, sans garantie de ne pas se tromper d'ailleurs. Donc, avançons prudemment, car je ne suis pas un pékinologue. Et il me faut d'abord vous parler de Bo Xilai, que certains ont appelé le Kennedy chinois. Oui, un personnage prometteur. Hein. Ouais, mais qui aujourd'hui croupit quelque part dans une cellule secrète. Une chute spectaculaire pour un homme qui avait de grandes chances d'accéder au plus haut niveau. Il y a quelques semaines, on l'a même soupçonné de préparer un coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Alors, qui est-il ? Bo Xilai, c'est d'abord un fils d'eux. Son père, Bo Yibo, mort centenaire, a été l'un des compagnons de Mao. Il appartient donc à la caste des princes rouges, comme on appelle à Pékin, tous les rejetons de ces révolutionnaires historiques. Ouais, et qui étaient les fondateurs du régime. Hein. C'est ça. Bon, j'y reviendrai. Alors, l'homme. Bo est d'abord plutôt favorisé par la nature. Bel homme, il est charismatique, charmeur, et sait parfaitement y faire avec les médias qui l'adorent. À tout non négligeable, il est remarié avec une femme très brillante, une avocate qui va mener une carrière internationale. Quant à l'unique fils du couple, il poursuit ses études dans les meilleures écoles occidentales. Ouais, ça coûte cher, ça. Hein? Oui, et on s'interrogera à ce propos. D'autant que le jeune homme nourrit un vif appétit pour la fête et les belles voitures. Mais je reviens au père. Bo Xilai, en dépit de cette glorieuse ascendance, connaît d'abord un parcours sans faute d'apparatchik et grimpe un à un les échelons du pouvoir jusqu'à arriver à la direction de la municipalité de Chongqing. Ça, c'est une mégapole. Hein. Qui représente en superficie l'équivalent du Benelux et regroupe une trentaine de millions d'habitants. Située au centre de la Chine, elle a été capitale de la Chine nationaliste durant la Seconde Guerre mondiale. Et déjà, sous le régime corrompu de Chiang Kai-shek, la ville était devenue un vivier de la pègre et des triades. Elle a ensuite connu un développement continu et un essor économique sans précédent, ce qui lui a valu de conquérir son autonomie. L'homme qui est à sa tête jouit donc d'un pouvoir important. Évidemment, mais la croissance de Chongqing a eu aussi un revers de taille. La mafia y a proliféré, à tel point qu'on la considère comme la Chicago chinoise. Et Bo Xilai l'a si bien compris qu'il a décidé d'édifier sa popularité sur le combat contre le crime et la corruption. À l'été 2009, il lance une croisade anti-mafia très médiatique avec l'aide de son bras droit, le super policier Wang Lijun. Un homme qui va devenir en peu de temps un véritable héros et à qui la télévision va même consacrer une série. Ah, c'est le Elliot Ness de Chongqing. C'est à peu près ça, oui. Et les deux hommes vont se livrer à un nettoyage en règle. Des centaines, des milliers de Chinois sont arrêtés. Entrepreneurs trop enrichis, juges complaisants, flics, ripoux, parrains, hommes de main. Et quelques-uns sont assez rapidement exécutés. Résultat, nombre de responsables du parti sont purement et simplement éliminés. Ouais, une vraie hécatombe, donc. Il y a un hic. À quoi alors ? La culpabilité de certains de ces personnages n'a pas été établie de façon formelle. Je veux dire, d'une façon tout à fait légale. Wang Lijun ne recule pas devant l'utilisation des moyens les plus radicaux, y compris l'usage de la torture pour faire avouer les récalcitrants. Mais l'opinion ne retient que le bilan positif de cette gigantesque purge et passe sur ses aspects les plus douteux. Bo Xilai touche donc les dividendes de cette croisade. Et déjà, on imagine que ce prince rouge, déjà membre du bureau politique du PC chinois, pourra encore monter un peu plus haut, c'est-à-dire accéder au sein des saints, le comité permanent du Politburo, où siègent ceux qu'on appelle les neuf empereurs. Les neuf empereurs, et qui sont les véritables hommes forts de la Chine ? Ah, le vrai pouvoir, oui, car ce sont eux qui, tous les 10 ans à peu près, choisissent le président et le premier ministre. Et il doit y avoir cet automne, 2012, un renouvellement. Renouvellement des instances dirigeantes. Mais de nouveaux empereurs vont aussi être désignés. 7 sur 9 vont changer. Ouais. Et si je vous ai bien compris, Bo Xilai, je serais bien vu entrer dans ce comité permanent. Naturellement. Car une première fois, il a été refoulé. Trop jeune. Il faut dire qu'il était juste un peu plus que quinquagénaire. Un gamin, en effet. En même temps, parallèlement à son combat de monsieur propre, Bo Xilai conduit une action plus politique, avec toujours à l'esprit la volonté d'accroître sa popularité. Et comment s'y prend-il, alors ? Bah, il cultive ce qu'on peut appeler la maostalgie. La nostalgie du maoïsme. Ah, mais attention, il n'est pas question de revenir à la révolution culturelle et à ses excès. Non, Bo Xilai essaie plutôt de ressusciter l'élan des premiers temps de la révolution maoïste, ce qu'on appelle la politique des champs rouges. Retour à la pureté révolutionnaire, en somme. Il y a de ça, ouais. Oui, au cours des rassemblements populaires suscités par Bo Xilai. On entonne donc des chants populaires ou l'hymne du Parti communiste. À la moindre occasion, on célèbre les héros de la patrie et la télévision associée à ce mouvement nostalgique rediffuse des programmes anciens. Plus spectaculaire encore, les prisonniers politiques rééduqués sont libérés dès lors qu'ils connaissent par cœur les chants révolutionnaires et la pensée de Mao. Et la population approuve ? Bah, apparemment, oui. Mais il faut dire que tout cela est assorti de nombreuses distributions de subventions pour les couches les plus modestes. Ah, c'est du populisme. Mais Bo Xilai assume sans aucun complexe cette politique. Mais ce faisant, était-il dans la ligne du parti ? Non. Ou plutôt, il était dans la ligne de l'une des tendances qui existent au sein du Parti communiste. Celle des conservateurs qui en tiennent pour le diriger. Et la suprématie du parti. Bien sûr. Ouais. Et cette tendance coïncide peu ou prou avec ce que prône le clan des princes rouges. Ouais, c'est-à-dire les enfants des dirigeants historiques. Hein. C'est ça. Des hommes qui estiment, comme Bo Xilai, qu'en raison des services qu'ont rendus leurs parents, ils méritent la première place. Par héritage, en somme. Et en face, alors ? Bah, on trouve le clan opposé, celui de la Ligue de la Jeunesse Communiste, parmi lesquels quelques réformateurs qui veulent moins de dirigisme et à terme un changement dans la direction économique du pays. Mais la principale différence, c'est que ce sont des apparatchiks qui ne doivent qu'à leur mérite d'avoir grimpé dans la hiérarchie du parti. Et ces deux clans coexistent-ils ? Ah bah, bien obligés, ils se sont même partagés le pouvoir au sein de cette instance suprême, le comité permanent, et se sont accordés pour les nominations prochaines. Mais un homme menace cette relative harmonie. Bo Xilai ? Lui-même, car la purge qu'il a mise en œuvre dans sa ville de Chongqing pourrait donner des idées à d'autres justiciers et les hiérarques de Pékin n'ont aucune envie qu'on vienne leur chercher des poules dans la tête. Ouais. Mozilla, malgré son appartenance au clan des Princes Rouges, devient donc dangereux. Ah, il faut donc tout faire pour se débarrasser de lui. Et heureusement pour les dirigeants de Pékin, Mozilla y a de nombreux défauts dans sa cuirasse. Et surtout, il a suscité beaucoup de haine. Petit coup de projecteur sur la campagne anti-mafia de Bo Xilai et du policier Wang Lijun. Voici ce qu'on lit dans un article du Monde d'août 2009, publié sous la signature de Brice Pedroletti. Quelques 1500 personnes, dont 3 milliardaires, 60 chefs de triade, une demi-douzaine de commissaires de district et des centaines de policiers, ont été placés en détention selon la presse locale. La plus grosse prise à ce jour n'est autre que le chef du bureau de la justice de la ville, également directeur adjoint de la sécurité publique depuis 16 ans. Arrêté sur le tarmac de l'aéroport le 7 août à son retour de Pékin, Wen Jiang, 54 ans, était devenu célèbre en Chine en 2000 après avoir mis la main sur un célèbre braqueur. À Chongqing, il aurait protégé des personnages responsables d'agissements peu scrupuleux, selon China Newsweek, qui relate son arrestation. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans un pays où l'on a toujours tendance à cacher la poussière sous le tapis. Début février 2012, le fidèle Wang Lijun, le flic d'acier, comme on l'appelle dans la presse, demande l'asile politique au consulat américain de Chengdu, une ville située à plus de 3 heures de route de Chongqing. Comme s'il était un dissident. Oui, hein, et c'est une première. Jamais un membre de la nomenclature chinoise ne s'est encore conduit de cette façon. L'émoi est donc considérable. Et quelques heures plus tard, alors que l'affaire a déjà filtré sur le web, des dizaines de voitures de police gyrophares allumées encerclent le bâtiment du consulat. Et que peut-il se passer alors? J'imagine que les Américains ont dû être très embarrassés par cette situation inédite. Et finalement, après des tractations au plus haut niveau, le policier Wang Lijun a été pris en charge par des collègues venus tout exprès de Pékin. Et il a été transféré dans la capitale où il a été placé au secret. Mais comment expliquer son attitude? L'hypothèse la plus plausible, c'est que le super flic a eu peur. Mais peur de qui? De son patron, Bo Xilai. Il se serait senti menacé. C'est vraisemblable. Mais il ne faut pas exclure une manipulation. Mais orchestrée par qui? Il y a plusieurs possibilités, mais enfin, n'allons pas trop vite. Il y avait longtemps. Oui, ça va. Voyons d'abord pour quelles raisons Wang Lijun aurait pu se sentir menacé par son ami et patron, Bo Xilai. Et là, nous entrons dans un vrai polar, avec cadavre à la clé. Je vous explique. Il me faut d'abord vous parler d'un certain Neil Haywood, un citoyen britannique âgé d'une quarantaine d'années. Et qui est celui-là? Ou plutôt, qui était-ce? Car le cher homme est passé de vie à trépas à la fin de l'an passé. Haywood était un personnage un peu mystérieux. Grand admirateur de James Bond. L'immatriculation de sa Jaguar était 007. Haywood vivait depuis longtemps en Chine. Et s'est d'ailleurs marié à une Chinoise. Alors, que faisait-il? Officiellement, il était consultant, homme d'affaires et représentant de plusieurs sociétés étrangères comme Aston Martin. C'est rien de bien mystérieux, là. Oui, mais Haywood a aussi travaillé pour une agence d'intelligence économique britannique fondée par un ancien du MI6 et truffé d'ex-agents des services. Un soupçon d'espionnage? Pourquoi pas? Mais Haywood était surtout un proche, très proche, de la famille Bo. Présenté parfois comme majordome, il était en réalité le gant blanc de Bo Xilai. Un gant blanc, qu'est-ce que ça veut dire? En Chine, c'est ainsi que l'on désigne les hommes de paille qui permettent aux dignitaires du régime de faire des affaires fructueuses sans se salir les mains. Ouais, un prête-nom donc. Hein. Et ça signifie que Bo Xilai, le croisé anti-corruption, se livrer à des activités coupables. Et grâce à Haywood, entre autres, il aurait accumulé clandestinement une considérable fortune, vraisemblablement dissimulée dans des paradis fiscaux. Enfin, le Britannique était intimement lié à l'épouse de Bo Xilai, la belle Gu Kailai, elle aussi fille d'un dignitaire historique du parti. Intimement lié, ils étaient amants? Bah, ils l'ont certainement été. Ewood et l'avocate ont même vécu ensemble en Grande-Bretagne lors de la première année de scolarité du jeune beau Guagua dans la prestigieuse école de Harrow. Une école très chère aussi. Mais c'est grâce à l'indispensable Ewood que les Beaux ont pu y inscrire le jeune homme qui poursuivra ensuite ses études à Harvard. J'ajoute qu'entre l'avocate et le gant blanc, il n'y a pas eu que des rapports sentimentaux. Les deux amants avaient des relations d'affaires. Mais en novembre 2011... Ewood a été retrouvé mort dans la chambre d'un luxueux hôtel de Chongqing. Il aurait fait un malaise suite à un excès de boisson. Problème, le Britannique buvait peu. Alors il aurait été assassiné ? Oui, empoisonné au cyanide de potassium. L'opération aurait été conduite par un certain Zhang Xiaojun, un homme de main de Bosilai. Mais on n'en saura guère plus, car la dépouille de la victime a été prestement incinérée. Oui, mais pourquoi Ewood aurait-il été liquidé ? Le Britannique aurait fait chanter la famille Bosilai, dont il connaissait toutes les turpitudes financières. En fait, d'après ce qui se murmure à Pékin, ses relations avec le clan auraient commencé à dégénérer à partir de 2008. Et Wood aurait été trop gourmand. Une question avant de poursuivre là. Comment Bosilai aurait-il pu édifier sa fortune ? Oh, rien de plus simple. L'homme fort de Chongqing aurait touché des pots de vin sur toutes les transactions commerciales effectuées dans cette métropole florissante qui attirait les investisseurs étrangers. Il aurait aussi vendu des charges à des fonctionnaires du parti. Ah, il était donc aussi pourri que ces centaines de corrompus que son fidèle Wang Lijun a arrêté. Emprisonné et au besoin torturé. Telle semble être en effet la vérité. Alors, je poursuis. La mort de Nell Ewood en novembre 2011 passe à peu près inaperçue. Mais 3 mois plus tard, en février, la fuite de Wang Lijun et sa demande d'asile dans un consulat états-unien relancent l'affaire. Car le policier n'est pas parti les mains vides. Il a en sa possession de très nombreux documents très embarrassants pour le clan Bosilai. Autant de papiers qui doivent maintenant se trouver à Pékin, non sans avoir été préalablement photocopiés au consulat américain. Ben oui. Alors que s'est-il passé ? Étant donné le secret qui entoure cette affaire, on ne peut que hasarder des conjectures. Et d'abord celle-ci. Le policier Wang Lijun aurait enquêté sur la mort de Nell Ewood. Il aurait acquis la conviction que l'épouse de Bosilai, Gu Kailai, aurait été l'instigatrice de l'assassinat du Britannique. Mais pour quelle raison exactement alors ? Les anciens amants auraient eu un important différend financier. Peut-être même, comme je vous le disais précédemment, Ewood aurait-il menacé de faire chanter l'avocate ? Toujours selon cette même hypothèse, Wang Lijun serait allé voir son patron Bosilai et lui aurait montré les preuves de la culpabilité de son épouse. C'était peut-être imprudent, ça. Oui, car Bosilai serait entré dans une violente colère. Et ça se conçoit aisément. À travers sa femme, c'est lui qui risquait d'être compromis. À un moment où il pouvait être appelé aux plus hautes fonctions lors du congrès du parti qui allait s'ouvrir à l'automne. Ouais. Et c'est pourquoi, alors, Wang Lijun aurait pris peur et décidé de fuir la ville. Bah, il était bien placé pour savoir que Bosilai userait de tous les moyens pour le faire taire. Y compris en l'assassinant ? Bien entendu. Bon. D'autres hypothèses ? Bien sûr, et je vous le laissais entendre tout à l'heure. Wang Lijun n'a peut-être pas agi de sa propre initiative. Il aurait été manipulé. C'est très possible. Mais par qui alors ? L'ascension de Bosilai dans les plus hautes instances faisait peur. Sa popularité aidant, il pouvait espérer, avec une bonne chance de succès, intégrer le comité permanent du parti. Et donc devenir l'un des 9 empereurs. Exactement. C'était d'autant plus crédible qu'il comptait dans le comité un puissant allié. Chu Yongkang, le numéro 1 du renseignement chinois. C'est tellement vrai qu'on apprendra, après la chute de Bosilai, que les deux hommes auraient décidé de prendre le pouvoir et d'éliminer le futur Premier ministre qui doit être désigné en octobre 2012. Donc, si je comprends bien, là, Bosilai a entraîné Chu dans sa chute. En effet, Chu Yongkang a dû faire son autocritique devant les autorités du parti. Et il est maintenant certain qu'il ne fera plus partie du comité permanent à l'issue du congrès de l'automne prochain. Mais je vous propose un petit retour en arrière. Si Bosilai faisait peur aux dirigeants de Pékin, c'était aussi à cause de son néo-maoïsme. Il ne faut pas oublier que ces apparatchiks avaient pour la plupart été victimes de la révolution culturelle. Et ils n'avaient nulle envie de revivre ça. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Retour sur le parcours politique de Bosilai par le correspondant du Figaro en Chine, Arnaud Delagrange. Je cite. Bo Xilai est un phénomène dans la politique chinoise, unique, inclassable, incontrôlable. Sa grande erreur aura sans doute été de s'affranchir des règles du jeu du régime communiste, où hommes et idées s'affrontent dans l'ombre des palais. Il est le premier homme politique chinois à avoir parié sur un électorat, à la mode locale certes. Il fonctionnait à l'américaine, aimait-on dire ici. Il avait misé sur l'opinion, les médias et les internautes pour rendre son ascension vers le pouvoir imparable. Son discours populiste se fondait sur la lutte contre les mafias, même au mépris du droit, et sur la réduction des inégalités sociales. Alors qu'il semblait si moderne, si libéral sous bien des aspects, son brusque virage rouge avait surpris. Il avait fini par représenter l'aile gauche du parti, désireuse de freiner l'ouverture pour revenir à certains fondamentaux communistes. Il avait ainsi lancé une campagne de moralisation et de ressourcement idéologique illustrée par le mouvement des chansons rouges. Vous pensez donc que le policier Wang Lijun a été manipulé par ses dirigeants qui voulaient stopper l'ascension de Bo Xilai? C'est presque certain. Il ne faut pas oublier qu'il avait lui aussi des comptes à rendre. Ouais, ce policier-là, la brutalité de ses méthodes. En particulier. Ouais. Par conséquent, l'incorruptible était fragile. Et donc manipulable. Et tenez, je vais même aller plus loin. Pourquoi cette affaire de l'assassinat de Heywood n'aurait-elle pas été un piège destiné à faire tomber Bo Xilai et son ambitieuse épouse? Wang Lijun étant l'artisan de cette machination commanditée depuis Pékin. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'avez aucune preuve. Bien entendu. Mmh. Si j'ai raison, tout s'est passé dans le secret des palais de Pékin. Car il faut bien comprendre qu'il y avait des intérêts considérables qui étaient en jeu, au-delà de la stricte compétition politique. En fait, c'était deux modèles économiques qui s'opposaient. Bo Xilai, suivi par quelques princes rouges, plaidait pour un système qui alliait un retour à l'égalitarisme maoïste, à une ouverture économique, mais étroitement contrôlée par l'État. Et pour lui, il fallait d'abord s'appuyer sur les grandes entreprises étatiques qui contrôlent encore 60% de l'économie chinoise. Était simplement une posture où Bo Xilai était-il sincèrement persuadé que c'était la voie à suivre? En tout cas, démagogie ou pas, il avait commencé à mettre en œuvre ce système dans sa mégapole de Chongqing. Une sorte d'exaltation de l'État-providence et la prise en compte des vrais besoins des citoyens. Et comment ça s'est traduit alors? Pour améliorer la vie quotidienne des citadins, Bo Xilai a par exemple créé de nombreux espaces verts. Il a aussi développé les services sociaux et accordé plus de droits aux paysans et aux migrants ruraux qui viennent s'entasser dans les agglomérations dans des conditions souvent misérables. Tout cela sur fond de redécouverte des valeurs socialistes. Un gros coup de pub en somme. Naturellement, car c'était un mélange de conservatisme et d'humanisme. Mais le véritable objectif de Bo Xilai, c'était la marche vers le pouvoir. Donc sa sincérité était douteuse. Et en face alors, que trouvait-on? Les hommes au pouvoir, essentiellement le clan de la Ligue de la Jeunesse Communiste, à commencer par le président Hu Jintao et le premier ministre Wen Jiabao, qui, de façon assez récente, ont pris fait et cause pour une certaine dose de réformisme. Alors que, dans le même temps, on a observé un raidissement du pouvoir à l'encontre des dissidents. Et telles sont en effet les contradictions du régime. Alors le réformisme, pour bien comprendre cette inflexion provisoire de la politique des dirigeants chinois, il faut remonter à l'affaire de Wuhan. C'est-à-dire? Wuhan, c'est un village de la province de Guangzhou. Ses habitants ont protesté contre la confiscation de leurs terres à des fins spéculatives par des apparatchiks locaux du parti. Ouais, c'est une pratique assez courante en Chine. Hein. Malheureusement, oui. Seulement, les gens de Wuhan ne se sont pas laissés faire. Ils se sont révoltés et ils ont élu de nouveaux représentants choisis dans leur village. Et les officiels locaux ont dû s'incliner? Oui, parce que le gouverneur de la province a pris fait et cause pour les villageois. Et il a résolu la crise. Et ça m'amène à vous reparler de Bo Xilai. Alors, pour quelle raison? Ce gouverneur de Guangdong, Wang Yang, a été rapidement présenté par la presse comme l'étoile montante du Parti communiste chinois. Un peu comme l'avait été Bo Xilai au temps de sa campagne anticorruption. Hein. Tout à fait. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce Wang Yang a été le principal rival de Bo Xilai, avant la chute de ce dernier, bien sûr, car tous deux aspiraient à rejoindre le Saint des Saints. Le comité permanent. Et donc devenir l'un des neuf empereurs. Mais il y a encore plus intéressant. Wang a précédé Bosilai à la tête de la municipalité de Chongqing. Vous commencez à comprendre ? Wang a donc pu imaginer que la purge effectuée par Bosilai le visait personnellement ? Car les gens qui ont été arrêtés appartenaient plus ou moins à l'entourage de Wang Yang. En particulier des patrons du secteur privé très proches de l'ancien dirigeant de Chongqing. Donc ce dernier a acquis la conviction que Bosilai voulait le discréditer. Et donc ruiner ses chances d'être nommé au comité permanent. Bref, cette campagne contre les Ripours est d'abord procédée d'un règlement de compte entre les deux futures étoiles du parti. Et dans ces conditions, il est tentant de voir la main de Wang Yang derrière les mésaventures de Bosilai. Plus sérieusement, Wang incarne donc maintenant les aspirations réformistes au sein du parti. Et ce réformisme, là, pourrait aller jusqu'où ? Certainement pas par un changement de régime, non. Ce que promeut Wang, suivi en cela par le Premier ministre, Wen Jiabao, c'est l'introduction de réformes politiques, c'est-à-dire un processus contrôlé de démocratisation. Ouais, contrôlé. Évidemment, le parti doit rester au cœur de la politique chinoise. Mais ces réformateurs veulent reprendre un chantier qui est interrompu depuis 1989. Depuis Tiananmen, donc. Effectivement. Il s'agirait donc, si les réformateurs réussissent à se faire entendre, de réduire un peu le rôle du parti et de laisser la bride plus lâche à la société civile. La chute de Bosilai annoncerait donc une victoire des réformateurs. Peut-être. Vous n'en êtes pas très sûr. Non, parce qu'il existe au sein du parti une sorte de tradition politique. On donne l'impression de soutenir les réformistes pour mieux lutter contre les éléments les plus conservateurs. Et quand le combat est gagné, on se débarrasse de ces gêneurs de réformateurs. Et ça pourrait arriver à Wang Yang ? Pourquoi pas ? Dans ce cas, on aurait assisté, avec la manipulation entreprise contre Bosilai, à une gigantesque partie de domino, ou de mahjong si vous préférez. Un jeu pervers, destiné à liquider tous ces ambitieux en les précipitant les uns contre les autres. Ouais. Au fait, depuis le début de cet entretien, là, nous parlons de la chute de Bosilai, mais qu'est-il devenu exactement ? À la mi-avril 2012, l'agence officielle Chine Nouvelle a annoncé le limogeage immédiat de Bosilai de son poste de secrétaire du Parti communiste de Chongqing et de membre du comité central. Et il a été aussitôt remplacé par un cacique moins remuant de 65 ans. Le même jour, un proche de Bosilai, Su Ming, un ancien fonctionnaire devenu un richissime homme d'affaires, a été arrêté. Un sérieux avertissement. Ensuite, oui, tout a été très vite. Une double enquête a été diligentée par la commission de la discipline du parti sur des faits d'enrichissement illicite imputés à Bosilai. Puis, en avril, ce dernier est suspendu du Politburo et du comité central pour, je cite, « violation sérieuse de la discipline du parti ». Et Bosilai a été aussitôt placé au secret à Pékin, sous la garde d'une unité spéciale dans des locaux réservés aux membres du parti. Un endroit qui a souvent été l'antichambre de la mort pour les dirigeants qui y ont séjourné. Enfin, dans la foulée, la télévision a annoncé l'arrestation de son épouse, Gu Kailai, pour homicide volontaire contre Nell Haywood. C'en est donc bien fini du clan des Beaux. Encore ceci trouvé dans le blog d'Ursula Gauthier, correspondante en Chine pour le Nouvel Observateur. Depuis l'affaire Haywood, la rumeur impute au couple Bo une série d'autres assassinats. Ceux d'une ancienne maîtresse de Bo, présentatrice de télévision à Dalian, disparue sans laisser de traces. De l'épouse d'un opposant politique de Dalian, morte avec une centaine de passagers dans un crash aérien fomenté par Bo. De trois hommes du policier Wang Lijun, arrêtés après la défection de Wang et morts sous la torture. Mais, c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches.